Ça se passe, on ne sait pas trop où. D'ailleurs, on ne sait même pas quand. Colombin a souvent des trous de mémoire, des trous noirs trop blancs. Il mène une vie de parasite en marge de la société et a trouvé couvert et gîte dans un étroit conduit chauffé. Est presque aveugle de naissance, mais comme il oublie tout le temps, il ne sait rien de sa malchance. Alors, seul au fond de sa grotte, il va, son bonhomme de chemin. Même si ça sent un peu la crotte, il est chez lui et se sent bien. Des conduits gastriques qui craint la colique, qui se taire, sceptique devant tant de mystères, car Colombin est amnésique. Comme Colombin n'est pas stupide, il se doute bien qu'au-delà de son égo chaud et humide, sa liberté lui tend les bras. Puis un jour lui vient une idée, tout à coup Colombin se dit: je perds mon temps à remonter, peut-être y a-t-il une autre sortie. Un squatteur des conduits gastriques qui craint la colique, qui se taire, sceptique devant tant de mystères, car Colombin est amnésique et solitaire. Comprenant qu'il faisait fausse route, le lombric fait machine arrière et à la douce faveur d'un prout aperçoit même de la lumière. À un moment, il suppose être enfin au bout du tunnel, mais il tombe sur une porte close et sa mémoire lâche de plus belle. Il ne sait donc pas trop pourquoi, devant ce sas qui lui obstrue la voie, il se jure de ne pas refréquenter des trous du cul. C'est un verre amnésique. C'est la tactique d'un solitaire, un squatteur des conduits gastriques qui craint la colique, qui se taire, sceptique devant tant de mystères. Car Colombin est amnésique. C'est un verre amnésique. C'est la tactique d'un solitaire, c'est un verre amnésique. C'est la tactique d'un solitaire, Cette fois, c'est sûr. C'est celle de trop. Je n'irai plus dans les bistrots. J'ai la gueule de bois. Mais surtout, mon compte en banque a pris un coup. Cette fois c'est sûr, c'est la dernière. C'est une belle connerie la bière. J'ai dû me rendre ridicule. Je me suis gerbé sur le pull. Cette fois j'assure et c'est fini. J'arrête la clope et le whisky. J'ai l'impression quand je me couche d'avoir un chat mort dans la bouche. Wapa la papa yeo. Wapa la papa yeo. Cette fois c'est sûr, c'est celle de trop. Oh oui, c'est celle de trop. Je n'irai plus dans les bistrots. Non. Il est déjà 4h moins le quart. Je me réveille dans le coltard. Je me prends 3 efferalgans et je me recouche en attendant. Fallait que je passe aux acédiques, mais leurs horaires sont pas pratiques. Ça m'arrangerait au lieu de pointer qu'ils me postent mes indemnités. C'est déjà l'heure de l'apéro. Je m'allume une Marlboro. Il ne m'en reste presque plus. Je vais faire un saut au PMU. Wapa la papa yeo. Wapa la papa yeo. C'est terminé, maintenant je prendrai l'escalier. Je suis assez fier sans prétention de mes nouvelles résolutions. Sans me vanter et entre nous, ça mérite bien un petit coup. Il me reste dans mon frigo quelques canettes de Canterbro. Je pense pouvoir me le permettre et c'est juré. Demain j'arrête. Ouais.